Chapitre 29. Zélé déposa Xenia au palais et lui indiqua où elle pourrait trouver le couple royal. De son côté, elle continua sa route vers l'oasis pour y voir Ormain. Le Nikéen jouait avec Goba et le Bolbolco le laissa en plan dès qu'il perçut les pas de l'héritière avant même qu'elle ne fût visible. Zélé s'avança vers Ormain. Elle avait le visage grave. Il avait des yeux tristes. Et Goba paradait autour de l'Upléenne, tambourinant excessivement le sol de ses lourdes pattes à trois doigts, insouciant de la soudaine lourdeur de l'atmosphère. Makerada, commença Ormain. Non, Ormain, ta famille a disparu ce fameux soir, et tu ne la retrouveras jamais, lui disait Zélé. Vous retrouvez toutes les deux, c'était le sens de mon existence, confia Ormain. Zélé accueillit Ormain dans ses bras, où il sanglota doucement. Réjouis-toi, lui dit Zélé. Te voilà débarrassé d'un but que tu n'avais pas choisi. Et maintenant tu peux pleinement te consacrer à une tâche plus grande qui bénéficiera à tous. Comment peux-tu accepter tout cela aussi facilement, Zélé? N'es-tu pas bouleversé, en colère? Elle relâcha son étreinte et le regarda affectueusement pour lui parler d'une voix douce. Tu es en train de vivre une désillusion, Ormain. Moi, je l'ai vécu il y a 4 ans. Je ne suis plus à un rebondissement près. Ces années dont tu parles, j'étais avec toi. Pourtant, je ne pense pas que nous en ayons parlé en ces termes. Ai-je été si aveugle? S'inquiéta Ormain. Ta seule présence m'a beaucoup aidé, confia Zélé. Et je relativise. Ces bouleversements m'ont bien plus apporté qu'ils ne m'ont pris. Et toi, tu as expérimenté la mort imminente. Quel effet cela fait de se réveiller en vie quand on se croyait empoisonné? Demanda Zélé. Ormain rougit presque à l'idée de révéler à Zélé son réveil. Sa question était solennelle, comme attendant le partage du vécu d'une sensation forte. Mais Ormain ne pouvait pas en parler en ces termes. À se remémorer la scène, il ressentait un mélange de ridicule et d'hilarité contenue. Pitié, Zélé, je te raconte et après cela, je ne veux plus jamais en entendre parler. Je me suis endormie sur le dos, les bras croisés sur le torse. Je pensais si fort mourir que je devais avoir la tête d'un cadavre quand un serviteur est entré dans ma chambre. Le pauvre, il a sursauté et a cassé quelque chose. Je me suis levée d'un bond, au son du fracas. Palpant mon corps, ne comprenant pas, et ce pauvre serviteur-là qui me prenait pour un fou en lui demandant si j'étais vivant. Quelle honte! J'espère ne jamais le recroiser. Ils s'esclaffèrent en chœur, et Zélé s'élança sur le ponton, après avoir retiré la première couche de ses vêtements. Quand sa tête émergea de l'eau, après son plongeon, elle lui cria. Le serviteur, peut-être que tu pourras l'éviter, mais pas celle qui t'a joué ce tour. J'espère que vous pourrez faire table rase du passé pour travailler ensemble. Les yeux triangulaires d'Ormain s'arrondirent. Il marcha jusqu'à la berge, où elle le rejoignit par quelques bras allongés. Elle lui résuma, dans un calme olympien, son entretien avec Xenia et son idée d'en faire la représentante du continent Enrefe. Et notre mariage, même blanc, n'est-ce pas nécessaire pour la réunification? Demanda Ormain. Nous annulons tout, Ormain, c'était une erreur, dit Zélé. Mais je croyais, toi-même tu me l'as proposé, commença Ormain. Je sais, Ormain, et j'en suis désolée, s'attrista Zélé. Tu es désolée? Je ne comprenais pas ton enthousiasme soudain à me proposer un mariage. Tu m'as convaincu que c'était la chose à faire et... Tu reviens encore sur ta position? S'impatienta Ormain. Zélé, accoudé sur la berge, passa la main machinalement sur son visage pour chasser les gouttelettes qui y ruisselaient. Son regard se perdit un temps au loin dans la végétation avant de revenir à Ormaïn pour lui expliquer ce revirement. J'ai beaucoup, vraiment beaucoup réfléchi hier. Je ne peux m'empêcher d'espérer que Zeninouma est capable d'honnêteté et que son idée était bonne, mais mon mariage ne ferait que perpétuer la tradition, alors que la dynastie doit cesser immédiatement. Je ne veux atteindre le statut de reine que pour y mettre un terme. Un roi ne serait d'aucune utilité, au contraire, cela ne renverrait qu'un message ambigu. Malgré moi, je suis imprégnée de la politique de la dynastie Zé. Je sais qu'elle n'apportera aucune solution, mais je dois lutter pour ne pas tomber dans ses pièges. Je t'en prie, Ormaïn, tiens-moi tête dans ces moments, pour que je ne commette pas d'erreurs aussi grotesques, dit Zélé. J'espère que je saurai déjouer ces pièges, comme tu dis, et que je ne te laisserai pas me convaincre, parce que tu es doué. Si nous ne nous marions pas, quelle est la prochaine étape? Demanda Ormaïn. Zélé présenta les grandes lignes de la stratégie qui lui semblait la plus simple et équitable à mettre en place dans l'immédiat. Elle accéderait au pouvoir de manière traditionnelle en pressant la reine Zenyuma vers la sortie, et par son pouvoir de nouvelle reine, elle abolirait la royauté pour créer un comité composé d'un représentant pour chaque culture. Pour éviter tout retour en arrière, l'héritière n'aurait nulle descendance. Cela garantirait que la dynastie Zé s'éteindrait avec elle. Aucune personne ne pourra jamais prétendre au trône. Cela n'était qu'une ébauche, des idées qu'elle avait conçues, et était impatiente de voir le comité des représentants se former pour débattre et décider collégialement du chemin à emprunter. Xenia serait une représentante? Tu veux vraiment travailler avec elle, lui confier des responsabilités? Tu parviens à la croire honnête? S'étonna Ormaïn. Oui, je suis persuadée de sa sincérité. Elle désire la libération de Nikéas autant que nous. Elle aurait pu vivre dans le luxe, comme elle l'avait toujours souhaité, quand elle m'a vendue à Zeninouma. Mais au lieu de cela, elle a fondé une association et a su fédérer un groupe grandissant de militants. Nos buts sont communs. Nous avons tout à gagner à l'avoir à nos côtés. C'est une chance inouïe de l'avoir retrouvée, qu'elle soit venue à nous. Et encore plus, qu'elle ait acquis pareille expérience, expliqua Zélé. Ormaïn parut convaincu puisqu'il se contenta de hocher du menton. Mais après un silence de réflexion, il ajouta. Tu dis cela maintenant, Zélé, parce que tu as repris confiance. Méfie-toi. Je ne dis pas que tu as tort de proposer à Xenia d'être représentante. Je dis juste, méfiance. Tu as bien vu hier de quoi elle a été capable. Elle a vidé son sac. Et heureusement, ça ne mènera nulle part. Pour le moment, avertit Ormaïn. Que veux-tu dire? Demanda Zélé. Elle a toujours le dessus. Nous n'avons rien contre elle, elle a tout contre nous. Si tu tais tes origines, elle pourra toujours menacer de les révéler. Et qui sait ce que ça donnera? Prévint Ormaïn. La fin de la monarchie, ça ne plaira pas à tout le monde, répondit Zélé. Alors quel meilleur argument pour tout remettre en question si on apprend ton adoption? Fit remarquer Ormaïn. Zélé considéra un temps les risques que pouvait représenter la divulgation de l'absence de sang royal dans ses veines. Que proposes-tu, Ormaïn? Demanda Zélé. Débarrasse-toi de ce poids. Tu n'y es pour rien. Et puis, toute cette histoire étouffée, la vérité sur Nikéas, a perduré à cause du mensonge du gouvernement. Et tu voudrais en fonder un autre, soi-disant meilleur, mais qui cacherait toujours ce qui pourrait lui nuire, indiqua Ormaïn. Avec mon adoption, je ne suis plus l'héritière légitime, dit Zélé. Uniquement parce que Zeninouma ne l'a pas admis publiquement, non? Si elle avoue t'avoir adopté et te reconnaît comme son héritière légitime, nous n'aurons plus rien à craindre, fit remarquer Ormaïn. Qui te dit qu'elle ne savait pas que tu étais supposé être mon père et qu'elle s'attendait à ce que tu meures en nous faisant marier, dit Zélé. J'y ai pensé aussi, Zélé, mais je ne vois pas ce qu'elle ou Ipléas aurait eu à y gagner. Ça aurait été de la cruauté gratuite. Nous savons tous les deux que Zeninouma n'est pas comme ça. Conclut Ormain. Zélé soupira en même temps qu'elle glissa sous la surface de l'eau et des bulles accompagnèrent sa descente. Ils se laissèrent couler au fond de l'eau, près de la rive où l'étang était peu profond, et restèrent un temps couchés sur le dos, bercés par les reflets dansants des rayons sur la surface mouvante. Début de connexion. Nikias me manque. Même l'oasis me paraît fade désormais, alors que cet endroit m'a comblé pendant tant d'années, dit Zélé. J'ai passé des mois en Uto et en Enrefe, et je n'ai pas trouvé le temps de profiter de leurs rivières. Surtout celle de la Enrefe, parce qu'en Uto, tout est pollué. L'assainissement prendra des lustres. Pareil pour moi, enchaîna Ormaïn. Je me suis plus baigné du temps des mercenaires que lors de la pacification de l'Aïo. Chasser les mercenaires aurait été plus simple que de parvenir à convaincre les NRF1. Ça va nous prendre des années. Tu penses que Xenia est capable de les influencer? Demanda-t-il. À la croire, elle est une demi-déesse pour eux. Je ne veux pas aller dans leur sens en jouant la carte du Messie, même si c'est délicieusement tentant, disait-elle. Des années de dialogue au lieu de quelques mois de bataille, demanda Ormaïn. Tu as tout compris, Ormaïn. Nous pourrions les écraser et les plier à nos attentes. La tyrannie est séduisante pour qui veut un résultat immédiat. Mais pour instaurer une relation de confiance durable et bénéfique pour les deux camps, la diplomatie et l'éducation sont le seul chemin. Je ne suis pas certaine que je serai là pour le voir, mais il le faut pourtant. Quelques années universelles de protectorat pour abolir des croyances mystiques, cela passe vite, disait-elle. La source ne t'a-t-il pas dit être immortelle? Demanda Ormaïn. C'est tout comme, il aurait plusieurs milliers d'années. Je pense qu'il était un être de chair avant de devenir une IA. Suppose Azélé. Tu n'aurais pas envie d'accéder à l'immortalité? Demanda Ormaïn. Non, je ne crains pas la mort, Ormaïn, dit sereinement Zélé. Mais mourir, c'est risquer de voir ses idées et ses combats mourir avec soi. La libération de Nikéas, la fin des mercenaires, tout pourrait revenir avec d'autres. En étant immortel, la lutte est garantie, au lieu de passer un flambeau un peu moins ardent à chaque nouvelle génération, fit remarquer Ormaïn. Formulé de cette manière, c'est glaçant. Cependant, je ne m'imagine pas vivre toujours. Arrivé à un certain âge, j'aurais très envie de rejoindre le néant, confia Zélé. Mais cet âge, quel est-il? Demanda Ormaïn. Là est toute la question. Pour ma part, je laisserai mon corps choisir. Dis-moi, Zélé, je change entièrement de sujet. Xenia, tu l'as déposée à son hôtel après votre balade en ville? Demanda Ormaïn. Oh non, elle est avec la reine et le roi, dit joyeusement Zélé. Fin de connexion. Quoi? La surprise avait sorti Ormaïn de la conversation implantaire et il s'était écrié sous l'eau, si bien qu'il but la tasse. Il ne put s'empêcher de tousser, de grosses bulles s'échappèrent vite de ses fentes branchiales, en direction de la surface. De ses brasses précipitées, il les rattrapa et les dépassa. Sa toux éclata à l'air libre avant les bulles. Zélé surgit bientôt à son côté, rieuse. Elle avait un message à leur remettre, de la part de Viviane, un serviteur chargé de la surveiller par Zeninouma. « Où vas-tu? » demanda Zélé. Au palais, et tu devrais venir aussi, lui ordonna Ormaïn. Cette rencontre est une aubaine, Ormaïn. Cela nous aidera à pousser la reine vers la sortie encore plus facilement. Ormaïn avait regagné la rive, croisant un gobat avachi dans l'herbe et occupé à frotter sa tête retournée sur le sol. Il hésita avec l'idée de prendre le temps de se changer, mais préféra se hâter vers le palais, concluant que le plus gros de ses vêtements aurait séché d'ici son arrivée et que son gilet remis par-dessus suffirait à donner l'illusion d'une tenue correcte. Il avait beau venir des galeries, la notion de bienséance était importante pour Ormaïn, l'inverse de l'héritière, qui n'aurait eu aucune gêne à se présenter en slip devant le couple royal. On pouvait y voir du défi et de la vengeance, mais il fallait aussi en déduire un naturel irrévérencieux. Déjà assis à bord du vaisseau de Zélé, il la pressa de le rejoindre, et elle s'affala dans le siège passager, Illar. Que contenait ce message? Demanda Ormaïn. Aucune idée, dit Zélé. Qu'est-ce qui te fait tant rire? Tu trouves ça drôle, tes parents rencontrant Xenia? S'indigna Ormaïn. Oh oui, Zeninouma doit être folle de rage, s'enthousiasma Zélé. Et tu trouves judicieux de les laisser ensemble? Que veux-tu qu'il se passe, Ormaïn? Ils ne peuvent plus rien. Peut-être même Zeninouma a-t-elle abdiqué en la voyant apparaître et s'est exilée au fin fond de la galaxie. Zélé riait à gorge déployée pendant que le conducteur se concentrait sur la route, ne décelant pas les points comiques de cette blague qu'il considérait de mauvais goût. Zeninouma s'était réfugiée dans le bureau du roi, et ce dernier était avec elle. Elle était particulièrement lasse ces derniers temps. Elle qui pensait avoir maîtrisé son règne perd des pieds. À la révélation au peuple pléen de la vérité au sujet de Nikéas, elle avait pris conscience que l'histoire se chargerait de ternir son image aux yeux des futures générations. Mais elle avait tout de même cru sauver la face de son vivant, puisque ces dernières années, la libération de Nikéas avait accaparé les médias et que le sujet de la reine avait été mis de côté. Et puis la guerre s'était terminée. Le peuple nikéen était libre et aucun autre sujet majeur n'était venu remplacer le précédent. La situation trop floue des négociations tâtonnantes avec le continent de l'Est ne passionnant pas les foules. Désormais, elle entendait quelques voix se permettre des reproches à son égard. Heureusement, nombreux étaient ceux qui prenaient sa défense. Sa fille, une fois reine, essaierait-elle d'amener les débats vers d'autres thèmes plus actuels et pressants, ou attiserait-elle les véhémences? Zeninouma serait le témoin impuissant de sa propre déchéance. Peut-être devait-elle opter pour une retraite éloignée de toute activité politique et médiatique, se retirer loin et profiter de la vie, comme le lui avait suggéré Idley. Personne n'avait donc compris qu'elle ne savait rien faire d'autre. Elle avait bon espoir que Zélé la défendrait. Au moins un peu. Après tout, elle avait accueilli avec enthousiasme sa proposition d'épouser un Nikéen, et elle lui avait signalé par conversation implantaire qu'elle venait à sa rencontre. On toqua à la porte. Zeninouma soupira de soulagement. Idley, occupé à jouer à un jeu de stratégie, posa son pion et se leva. « Fille Zélé, entre !» dit la reine. La porte pivota et l'invité fit son entrée. La silhouette était la même, mais ce n'était pas la personne attendue. Salutations, ta majesté. Le sang de Zeninouma se glaça aussitôt. Même si Zélé avait été l'opposé de sa mère biologique, jamais la reine n'aurait pour autant oublié le visage de Xenia, puisqu'il était le visage qu'elle avait toujours craint de revoir. Il y eut un bruit de chute. Zeninouma se retourna et vit son époux au sol, évanoui. Idley. Zeninouma, à genoux, lui tapota les joues. Xenia, inquiète par pareille réaction, s'était approchée à pas de loup. Vile gueuse, éloigne-toi. Ne vois-tu pas déjà ce que ta seule vue vient de causer? S'énerva la reine. J'accrois me rappeler que ma langue vous savait parler, fit remarquer Xenia. Xenia s'était installée sur un sofa en retrait, concluant qu'il n'était en effet pas judicieux que la raison de l'évanouissement du roi se trouvât encore dans son champ de vision quand il rouvrirait les yeux. Zema, que s'est-elle passée? Demanda le roi. Idley, un choc. Nous avons une visiteuse indésirée. Zema, qui donc? Le menton de Zeninouma pointa en direction de l'intruse, qui adressa un salut, nonchalant, de la main, au roi, qui avait suivi du regard le geste de son épouse. Zema, voilà qui est vraiment inattendu, dit le roi. Soutenu par Zeninouma, il se releva laborieusement et vint s'asseoir sur le même sofa à côté de Xenia, qui réduisit son espace d'occupation. La reine s'installa face à eux. La pièce baigna quelques minutes dans un silence incommodant, avant que Xenia ne le brisa en dévoilant la raison première de sa visite, et remit le message de Viviane, précisant qu'elle n'en connaissait pas le contenu, ni qu'elle y tenait. Zeninouma s'en saisit avec une certaine gratitude. Xenia, vous n'avez pas fait tout ce chemin dans l'unique but de nous remettre ce message, j'imagine. Non, j'aurais préféré, en effet, voir le remettre au lendemain de son décès, confia Xenia. Xenia, est-ce Zélé qui vous a convié? Articuler cette question était douloureux pour la reine. Elle n'attendait qu'une réponse par l'affirmative. Ce serait une déchirure que de l'entendre, mais elle voulait en avoir le cœur net. Xenia ne les avait pas rejoints par hasard. C'était Zélé qui lui avait indiqué où les trouver. Et c'était aussi Zélé qui avait prétendu vouloir discuter avec sa mère. Qui m'a convié sur Upléas? Oh non, l'initiative, pour raisons diverses, est mienne. Toutefois, sa surprise, hélas, fut nulle en apprenant ses origines nikéennes, dit Xenia. En aucun cas, le soupir de soulagement de Zeninouma ne pouvait être simulé. Elle avait même de quoi se réjouir. En découvrant son adoption, Zélé n'était pas venue s'indigner devant elle, la qualifier de menteuse ou elle ne savait quoi encore. Non, Zélé lui avait fait croire qu'elle se rendait au palais pour la simple raison que si elle avait mentionné Xenia, elle avait aisément deviné que Zeninouma refuserait de la recevoir. Et Zélé avait vu juste. Alors il fallait bien en passer par cette petite ruse, qu'à présent Zeninouma pardonnait volontiers, puisque le but de cette visite était la remise d'un ultime message de la part de son fidèle serviteur Viviane. Xenia, où est ma fille à cette heure? Demanda la reine. En toute sincérité, je l'ignore. Elle m'a déposée ici, d'un commun accord. Xenia, quelles affaires vous retiennent encore ici? Demanda encore la reine. Parce que vous imaginez que j'ai un endroit meilleur où aller, qu'elle me tarde de retourner où vous m'avez exilée, j'ai craint pour vous que mes affaires sont ici à présent, et que pour me chasser, vous n'ayez nul échange équivalent. Vous êtes tant entêtée à vous méprendre, et pour vous racheter tant d'occasions offertes. Malgré cela, jamais vous ne parviendrez à comprendre que vous ne devez qu'à vous votre perte, dit Xenia. Xenia, je n'ai que faire de votre avis, répondit la reine. Tu vas croire que c'est une nouvelle pour moi, sauf que c'est aussi l'avis de Zélé. Tu l'as perdu à jamais. Je ne dis pas cela par cruauté, sinon tu pleurerais déjà, car cela fait plus d'une heure que je me trouve au palais. J'ai d'abord pris le temps de visiter quelques pièces, me promener au milieu de la foule, croiser diverses espèces, et me persuader que bien que nikéenne, je ne crains rien, que ma vue ne va pas susciter l'intérêt soudain d'un marchand d'esclaves ou d'un maquignon qui se trouverait là. Je n'ai pas grandi avec cette hantise, mais les esclaves affranchis que j'ai aidés me l'ont transmise. Nikéa s'est libérée, que voilà une grande joie. Sauf que le message ne va pas s'ancrer aussi vite dans les consciences et dans les mœurs de nos exploiteurs. Combien de générations encore devons faire preuve de patience, avant qu'or du comète, nous ne soyons plus considérés comme de la main-d'œuvre bon marché ou un steak alléchant à griller. Tu ne connais pas cela, Majesté, la peur au ventre d'être une proie, de savoir qu'aux yeux des autres, ta vie ne vaut pas plus qu'un plat, alors que celui-là même, qui veut te tuer, ne meurt pas de faim. Il y a tout à sa disposition pour combler les plus exigeantes de ses papilles. Vois regretter d'être comestible, parce que cet argument-ci convainc. Ne mange pas de ça, tu vas être malade et vomir ta bile. Sera toujours plus efficace que la victime même qui se débat et hurle de toutes ses forces à la face de son bourreau. J'avais vivre, ma vie ne t'appartient pas. Dit Xenia. Xenia, je ne remets pas en doute votre témoignage ni votre expérience, mais vous a trompé d'ennemi. Vous voulez reporter sur moi la responsabilité de ces malheurs, répondit la reine. Tu as savais, tu n'as rien fait, tu es coupable. Zélé a su, elle a agi. Les Nikéens sont libres et heureux. Si pareille démonstration ne t'ouvre pas les yeux, de l'histoire des monarchies, tu es la reine la plus incapable, dit Xenia. Le roi, qui jusqu'ici s'était cantonné au rôle muet qu'il tenait souvent, se leva du sofa pour se placer entre son épouse et Xenia. Xenia, grand bien fasse à notre zélé d'avoir cette force de caractère de se révolter instantanément et sans crainte des conséquences quand elle voit quelque chose qui la dérange. Mais là où vous voyez un sens aigu de la justice, d'autres y verront une conduite irréfléchie, du grand spectacle tire-larme permettant de manipuler facilement l'opinion générale pour se la mettre dans la poche sans avoir à argumenter et raisonner, dit le roi. Ah, voilà donc, de Nikéas, votre vision. Si la réalité crue est dévoilée, c'est de la manipulation. Forcément, si ce n'est pas le sens de vos idées, l'angle est biaisé. Tant d'hypocrisie. Mais comment être surpris ? Interrogea Xenia. Aucune surprise, j'en ai bien peur, lança une voix derrière eux. Fille Zélé, s'exclama la reine. Zélé et Ormaïn se tenaient sur le pas de la porte. Zeninouma se précipita à la rencontre de sa fille. Fille Zélé, quand cesseras-tu de m'accabler? Ne comprends-tu pas que je veux t'aider? Dit la reine. En me cachant mon adoption et en voulant me faire épouser mon géniteur? Fit remarquer Zélé. Fille Zélé, de quoi parles-tu? Ne comprit pas la reine. La reine et le roi se regardèrent dans la plus totale incompréhension une fraction de seconde, avant de se retourner vers Ormaïn qui haussa les épaules d'un air indifférent. Fille Zélé, que me chantes-tu là? C'est impossible. Je ne l'ai jamais su, crois-moi. Tu penses bien que... La reine cherchait ses mots, et Zélé se dit que c'était bien la première fois. L'héritière profita de son manque soudain d'éloquence pour exposer ce qui était attendu d'elle dans les semaines à venir. La révélation de l'adoption, la reconnaissance de l'enfant comme héritière légitime, son abdication, et pour finir, comme si toutes ces étapes d'anéantissement de son règne ne suffisaient pas, son exil dans un monde reculé du comète. Fille Zélé, j'apprécierais que nous poursuivions cette conversation en famille, intima la reine. Le choix de ces mots est particulièrement incongru dans la situation actuelle. Mais soit. Ormaïn, Xenia, pouvez-vous nous accorder un moment, s'il vous plaît? Dit Zélé. Les deux Nikéens passèrent dans la pièce voisine, à l'invitation de Zeninouma qui leur montra le chemin. À peine la porte fut-elle refermée derrière eux, que le roi prit la parole. Fille Zélé, te rends-tu compte de l'affront que tu as fait subir à ta mère? Cela ne te suffit-elle donc pas? S'indigna le roi. Suffire, si toute la vérité n'est pas faite, non, je ne m'arrêterai pas, dit Zélé. Fille Zélé, quelle vérité? Celle selon laquelle cette Xenia serait plus ta mère que Zéma, uniquement parce qu'elle a pu te mettre au monde? S'indigna le roi. Idlé, laisse, souffla la reine. Zéma, non, tu as la portée, plus que nulle autre mère. Je ne vois pas pourquoi cette vérité ne compterait pas, dit le roi. De quelle vérité veux-tu parler? Demanda Zélé, intrigué. Zéma, dis-elle, je t'en prie, Nous ne la perdrons jamais plus que maintenant. Zeninouma soupira, arpenta la pièce à pas lents, scrutant chaque bibelot posé sur les meubles avec attention et évitant de croiser le regard de Zélé. Après cet instant où le temps s'était pour elle suspendu, elle vint s'asseoir, fixant ses mains aux doigts entrelacés, qu'elle tordait. Zélé s'impatientait, mais était aussi intriguée et attendit que Zeninouma brisa le silence qu'elle avait installé. La reine renifla, avant de relever la tête et de doucement rouvrir les yeux. Fille Zélé, même si ces mots n'ont pour toi plus aucun sens, ils en auront toujours pour moi et ton père. Oui, j'ai t'ai porté, à plusieurs reprises, et plus de moi qu'elle en faut aux autres mères pour avoir leur enfant. Bien des fois, ce ne fut que quelques semaines, et parfois des mois. Avant ta naissance, tu avais tant grandi dans mon ventre que je te sentais bouger. Tu agrandissais et tu as bougé de plus en plus. Nous étions confiantes. L'annonce de ta venue a été clamée haut et fort. Tu as été si attendue. Et puis un jour, si proche du terme, tu as cessé de bouger. Tu as décidé de naître sur Nikéas, voilà tout. Nous avons prétendu que tu as été née comme prévu. Nous avons attendu quelques jours, et avec ton père et un garde, nous sommes allés sur Nikéas. Cela a été si rapide. Tu es venue à moi, en courant, portée par cette Nikéenne. Tu savais que je viendrais te chercher, confia la reine. Je suis votre fille, comme je suis Upléenne. Je ne remets pas en cause votre statut de parent, mais comprenez que nous ne pouvons prendre le risque que cela soit dévoilé dans le futur. Après mon couronnement, je pourrais être destituée si cela s'apprenait. Tu m'as choisie comme héritière, alors fais le nécessaire pour qu'il en demeure ainsi. Fille Zélé, je t'ai donné la vie, sanglota Zeninouma. Et le peuple upléen le comprendra ainsi, conclut Zélé. Dans un coin de la pièce, où ils avaient été congédiés, Ormaïn détaillait les tableaux suspendus au mur. Xenia avait l'air de rêvasser, elle était sans doute occupée sur le Rézarque. Puis ses yeux vagabondèrent dans la cour du palais, du fauteuil près de la fenêtre qu'elle occupait, elle voyait des visiteurs en file, tous suppléants, attendant leur guide. En discutant avec Zélé tout à l'heure, à l'évocation des plans d'avenir, je n'avais pas saisi qu'elle prévoyait de révéler son adoption, dit Xenia. Ça n'en faisait pas encore partie. La nouvelle est trop récente pour avoir été intégrée à quelque projet, répondit Ormaïn. Quelque chose me dit que vous ne vous seriez pas autant empressé à la révéler si la vérité était sortie de la bouche de Zeninouma plutôt que de la mienne. Me craignez-vous tant? Xenia souriait, amusée, presque flattée, balançant une jambe croisée au-dessus de l'autre. Inutile de te laisser un tel atout, conclut calmement Ormaïn. Mais j'en ai toujours un, fit remarquer Xenia. Lequel? S'étonna Ormaïn. L'identité de son père? Souffla Xenia. Ormaïn accusa d'abord le coup, avec un air ahuri, puis rit de bon cœur. Deviens-tu soudain si mauvaise stratège? Cette révélation ne coûterait qu'à toi. Et ne crois pas que le peuple rejettera Zélé parce qu'elle est nikéenne. Il l'aime tant. Et comment lui reprocher ce qu'elle a toujours ignoré? L'adoption doit être uniquement reconnue pour rendre son couronnement légitime, rien de plus. Son père, c'est la même chose. Elle ne l'a pas choisi. De quoi pourrait-on l'accuser? Mais toi, oui. Tu as tout à y perdre. Je n'ai pas les détails et je ne tiens pas à les connaître si tu ne veux pas les dévoiler. Cela n'empêche que tu as pactisé avec l'ennemi, avec les meurtriers des tiens. Cela te briserait, aussi bien en tant que représentante qu'en tant que présidente de l'association Amoa. J'ai un atout contre toi. Tu n'as rien contre Zélé, expliqua Ormaïn. Tu fais tout cela pour elle? Demanda Xenia. Oui, répondit simplement Ormaïn. Xenia secoua la tête, désabusée. Qu'ont-elles ces Rhénupléennes pour ensorceler ainsi leurs valets? Viviane est ta Zéninouma, toi et ta Zélée. Je ne pense pas que ce Viviane et moi soyons comparables, répondit Ormaïn. Bien que je ne l'ai pas connu, Zélée et moi poursuivons un but commun. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons tous nous serrer les coudes. Je me suis renseigné sur ton association, Xenia. C'est impressionnant ce que tu as accompli, dit Ormaïn. Je n'étais pas seule, dit Xenia. Ce n'est pas pour autant que cela te retire le mérite. J'ai écouté tes interviews, vu les images d'infiltration publiées, les libérations. Je ne reconnais pas la Xenia que j'ai connue, dans les galeries précieuses et hautaines. J'ose espérer que la nouvelle Xenia restera avec nous, sera la représentante de la NRFE, dont nous avons besoin, et que plus jamais tu ne seras celle qui s'est crue supérieure aux autres ou promise à un quelconque destin. J'essaie, répondit-elle humblement. Ormaïn s'était rapproché d'elle et posa sa main sur la sienne, un sourire bienveillant au coin de la lèvre. Le verrou de la porte grinça. Idley passa la tête dans l'encadrement, leur indiquant qu'ils pouvaient revenir. Ils suivirent le roi, revinrent à leurs places respectives sur les fauteuils. Tous deux remarquèrent les yeux rougis de la reine. Xenia, vous voilà satisfaite? Tout le monde saura que vous avez donné naissance à l'héritière, dit Xeninouma. Avoir engendré une fille aux yeux bleus constitue plus pour moi une honte qu'une quelconque fierté. Je veux dire que cela doit être dit pour le bien de Nikéas et Upléas. Je bâtirai aussi de cette affaire. On me harcèlera de questions alors que j'aurai plus urgent et important à traiter, dit Xenia. Zinouma acquiesça, comme reconnaissante que Xenia formula sa réponse avec tact, plutôt que de s'égarer dans un discours blessant comme l'avait laissé suggérer sa première phrase. Fille Zélée, dois-je révéler l'identité de la génitrice? Demanda la reine. Bien sûr, donnez tous les détails. Pourquoi tu as eu recours à l'adoption et auprès de qui, dans quelles circonstances? Je te le redis, il ne faut rien cacher. Fille Zélée, la somme versée à Xenia également? Demanda la reine. Oui, surtout que Xenia en a fait très bon usage. Tu passeras presque pour une philanthrope, fit remarquer Zélée. Fille Zélée, je dois révéler le nom du géniteur aussi? Zeninouma se tourna vers Ormaïn, qui regarda Zélée, et elle-même s'adressa à Xenia. Qui est-ce? Demanda Zélée. Fille Zélée, ce n'est pas. Tu m'as dit que... s'étonna la reine. Jusqu'à hier, si. Xenia est l'épouse qu'Ormaïn recherche depuis toutes ces années. Mais il a découvert dernièrement, avec le même effarement, qu'il n'était pas mon père. Xenia, mon père, qui est-il? Demanda Zélée. Xenia contacta Ormaïn par discussion implantaire pour décider en une fraction de seconde ce qui devrait être son discours à partir de ce moment. En un battement de cils, après que la question lui eût été posée, elle répondit sans la moindre hésitation et avec le plus grand naturel possible. Un villageois. Je le rencontrais lorsque je sortais des galeries pour la cueillette. C'était purement physique entre nous. Je n'ai même jamais su son nom. Je ne parlais alors que ma langue maternelle. Personne ne me comprenait. Et puis un jour, il a disparu. J'ai supposé qu'il avait été embarqué par les mercenaires. Quand j'ai compris que j'étais enceinte, j'ai cherché un père, parmi les résistants, pour ne pas être jetée à la surface. Et me voilà mariée à Ormaïn. Fin. Raconta simplement Xenia. Par un plan, Ormaïn ne put se retenir de lui lancer. Tu es d'un naturel, c'est effrayant. Tout est faux, n'est-ce pas? Et Xenia de lui répondre, son message agrémenté de quelques mines taquines. Pas la chute, chérie. Zeninouma dut être satisfaite de la réponse car elle ne trouva rien à ajouter. Elle était sans doute soulagée de savoir qu'au moins de ce côté des chromosomes de Zélé n'amènerait jamais d'invité opportun dans son salon. Fille Zélé, tu as obtenu tout ce que toi voulais, j'accrois. Quelle est la prochaine étape? Demanda la reine. Pour toi, mère, rien. Avant ton abdication, les représentants nikéens doivent signer le protectorat du comète. Fille Zélé, qui est la dernière représentante? Demanda la reine. C'est à Xenia de nous le dire. Mais la reine de l'ancien Nupléas n'est pas concernée par ce sujet. De ton côté, tu as ma reconnaissance légitime à rédiger. Tout un programme. Nous vous laissons, conclut Zélé. Sans davantage de cérémonie, Zélé, Ormaïn et Xenia désertèrent le bureau du roi, puis le palais.